les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Rien n'est plus complexe que l'étymologie des mots. Et la plupart des dictionnaires s'intéressent à l'étymologie des mots. En 1998, pour les décraquer et pour créer un dictionnaire différent de tous les autres, Bertrand Jérôme et Françoise Tressard avaient réuni d'éminentes personnalités pour réfléchir. Encore ! Pour un dictionnaire différent de tous les autres, différent en ce qu'il ne prétend pas retrouver le sens habituel des mots, mais celui que chacun a choisi de leur donner, un dictionnaire ouvert en somme. Oui, par exemple, les mots ont parfois une origine surprenante, et d'ailleurs, les recherches que nous menons conduisent à penser qu'ils n'ont pas une, mais plusieurs origines possibles. Henri Cueco, Guy Konopnicki, Patrice Minet, Gilbert Lascaux, Christian Zemmer vont s'intéresser au mot « occasion », qui selon certains aurait pour origine un nom de personne, Christian Zemmer. Il faut remonter au supplice du Christ pour trouver l'origine de la généalogie d'occasion. Abel Occasion était un jeune homme de Jérusalem qui avait été arrêté le jour de la Sauve-qui-peut, une fête juive où justement ce jour-là tout Juif est arrêté. Il fut emmené sur le Golgotha où quatre croix étaient dressées, l'une sur laquelle l'un d'entre eux fut cloué, les autres sur lesquelles furent simplement ligotés le bon larron, le mauvais larron et l'occasion qui faisait le troisième larron. Seule Abel Occasion survécut, parce qu'il avait été attaché sur une croix vermoulue. En effet, au bout de quelques minutes, la croix avait cédé et Abel s'était retrouvé sain et sauf sur le sol. La foule qui était venue voir le spectacle avait réclamé la vie sauve pour Abel, et chacun avait voulu emporter en souvenir un morceau de la vraie croix d'Occasion. De cet événement est partie la longue dynastie des Occasions. Abel Occasion se maria et eut un fils qu'il prénomma Parfait. Parfaite Occasion entra dans la légende en s'exhibant et en racontant l'aventure de son père. Il fut donc connu comme larron en foire et autres lieux publics. Quand les badauds demandaient qui se produisait sur les tréteaux, on répondait « c'est l'occasion qui fait le larron ». La tradition familiale se perpétua jusqu'au XVIIIe siècle. Au début de la Révolution, en 1789, un certain Bienvenu Occasion profita de cette période trouble pour faire de la politique. Mais quelle couleur défendre ? Les hébertistes, le Tiersita, les montagnards qui étaient toujours là, ou les Girondins de Bordeaux qui étaient déjà en tête du championnat de France ? Bienvenu n'hésita plus quand un jour il entendit dans une taverne Robespierre et Danton, qui conspiraient alors, dire que si l'occasion se présente, on guillotine. Comme Occasion savait que la guillotine n'était pas faite de bois vermoulu et que le coup de la croix de son ancêtre ne se répéterait sûrement pas, il fit son pactage et partit pour le Luxembourg. L'occasion ne se représentera plus, même s'il devait apprendre que Danton puis Robespierre avaient disparu sur l'échafaud. Bienvenu Occasion s'établit à Dudelange et eut deux filles et deux garçons. Si les garçons ne firent pas tellement parler d'eux, en revanche, les filles furent remarquées. La première, parce qu'elle était laide, c'était l'occasion manquée. La seconde, parce qu'elle était jolie, on disait même l'occasion trop belle. Cette dernière fut très courtisée, chacun voulant saisir l'occasion. En fin de compte, elle épousa Alfred Krupp, un rejeton de la dynastie bien connue. Lors de la guerre de 1870, on trouvera, aussi bien en France qu'en Allemagne, que l'occasion était mal choisie. Sa beauté se flétrit très vite et on la surnomma la Grosse Bertha. On trouve maintenant des occasions rendant des services dans tous les secteurs, notamment chez les bourgeois qui emploient des gens de maison, sujet fréquent des conversations de salon. Pourquoi se taire quand on a perdu une bonne occasion ? Le dernier occasion en date a voulu ajouter une particule à son nom. Il se prénomme Renaud et vit près de la porte de Versailles. Il fait un trafic d'automobiles usagés sous le nom de Renaud d'occasion. Voyez, quand on cherche... Heureusement que ses parents ne lui avaient pas donné le prénom de Citroën. qui est moins courant. Moins courant, il se trouve qu'une fois dans l'arrache-cœur. Oui. Alors Gilbert, faut pas vous emmener dans quel sens à la recherche de cette occasion. Oui. Mais c'est en 1910. Joseph Occasion est né en 1910 à Angoulême. Oh, mais ce serait récent alors. Oui, il est le fils de Jérôme Occasion, brocanteur, et de Françoise Chance, qui multiplie des emplois temporaires pendant toute sa vie. Adolescent, Joseph Occasion est distrait, grossier, paresseux. À l'école primaire, les enseignants se plaignent en permanence. Ils parlent d'occasion. Les instituteurs lui répètent « Occasion, tu perds toujours une belle occasion de te taire ». Occasion devient un bouc émissaire. Les instituteurs jettent Occasion sur le sol et le piétinent. Ils sautent sur Occasion. À 17 ans, Joseph Occasion devient le larron. Moqueur, joyeux, ricaneur, Joseph Occasion devient le larron et le luron. Chef d'une bande de loubards, Occasion dirige un quarteron de larrons. Le père de Joseph, brocanteur, lui offre 3 automobiles. Dans la nuit, dans le brouillard, les larrons sillonnent les routes et cambriolent les châteaux dans la Charente, autour d'Angoulême. Dans la nuit, les automobiles d'Occasion sont noirs, cabossés, bousillés et rapides. En juin 1932... C'est un roman de volume. Et oui, on va bientôt arriver. En juin 1932, Joseph Occasion, quand il a 22 ans, crochette les serrures d'un château près d'un cognac. Il pensait qu'il n'y avait personne. Par malheur, par malchance, Occasion rencontre dans une chambre à coucher le châtelain et sa fiancée. Presque par hasard, il tient en main un fusil à canoncier et il les tue tous deux. En 15 jours, les gendarmes arrêtent Occasion. En 1934, après 2 ans de prison, Joseph Occasion se présente à une cour d'assises à Bordeaux. Occasion est condamné à mort. Le 24 décembre 1934, il a 24 ans. Dans les grandes occasions, l'échafaud est dressé sur la place de la Bourse à Bordeaux. Joseph Occasion perd définitivement la tête. Le bourreau coupe court à Joseph Occasion. Bah, c'est une histoire tragique. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Oui, Guy Konopnicki, pas d'accord. Ben, c'est-à-dire, Occasion, c'est tout le 19e siècle, parce que c'est un homme qui a vécu de 1810 à 1902, donc assez vieux, et qui avait tout inventé. C'est un très grand inventeur. C'est curieux, parce que chaque invention a gardé son nom. Il a commencé par inventer le piano. Piano d'occasion. Il a inventé le vélo. Le vélo d'occasion, c'est une chose connue. Et pour finir, il a inventé l'automobile d'occasion. Mais il avait des amis peu fiables. Il a toujours eu des amis peu fiables, et l'expression d'ailleurs est restée, avoir des amis d'occasion. Les amis d'occasion lui ont tout piqué. Il était l'ami du marquis de Duron, par exemple, qui lui a piqué la bagnole, qui est devenu, qui est devenu l'inventeur de l'automobile. La même chose avec le piano, la même chose avec le vélo. Chaque fois, d'autres ont déposé les brevets parce que, voilà, ce malheureux homme qui s'appelait Parfait Occasion, a toujours eu des amis d'occasion. Bon, oui. Puis un autre je crois assez, c'est ça, quand même. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Par contre, moi, dans mes lectures, j'avais rencontré l'histoire de la belle Occasion, oui, qui était d'une des sœurs de la belle Otero. Vous la connaissez Non, c'était pas sa sœur, mais enfin, dans une autre occasion. En fait, la belle Occasion, c'était une pute qui avait un très très grand cœur et qui ne faisait pas payer ses charmes quand on n'avait pas d'argent, à condition qu'on lui saute dessus par surprise. C'est qu'on appelait sauter sur l'occasion. Pour moi, c'est un Irlandais. Oh, oui. Oui, pour moi, c'est un Irlandais. Occasion. Ah oui. Il n'est pas tout neuf. Déjà à sa naissance, il paraît fripé. Il cherche plus tard à se vendre comme garçon de ferme, mais ne réussit qu'à se louer. Un beau jour, il fut la belle affaire de sa patronne qui se le mit de côté. Occasion installa alors un étal de produits fermiers au marché local où il vend à bas prix des nourritures de faible qualité. Mais il finit saisi par les gendarmes qui avaient écrit sur leur feuille de route « Occasion à saisir ». Je m'aperçois que le fait qu'il soit irlandais à l'origine n'a guère d'influence sur sa vie. mais occasion, qui à l'occasion fut mal orthographié, devient le mot que l'on connaît pour des usages circonstanciels. On a complètement oublié l'histoire qui est à l'origine de ce nom. C'est vrai qu'on l'a oublié. Et souvent, très souvent. Ça. Et paf, craque, boum, paf, clic, claque, boum, bardaboum. C'était Les Décraqués pour un dictionnaire différent de tous les autres par Bertrand Jérôme et Françoise Tressard avec Henri Cueco, Gilbert Lascaux, Patrice Minet, Guy Konopnicki, Christian Zener. Réalisation Monique Bailly. Première diffusion sur France Culture le 20 novembre 1998. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.